Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Alors question simple, green light ou red light? Oh joli, green light. Mais surtout Tom Cruise. Yeah. I feel the need for speed. I want the truth. First, take a big step back and literally fuck your own face. All I'm saying is I want to be treated like a human being. Respect the cock. I'm a Vietnam veteran. Mega Man does what he can. I love you. Until his destiny is revealed. You. Hey, bonjour et bienvenue dans Cruise Control, le podcast qui vous prouve que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Et pour ce faire, on regarde les films un par un depuis le début de sa carrière jusqu'à la fin qui est éternelle. Donc le podcast est éternel. Et on commente, on cause un petit peu de tout ça, de Tom Cruise, du film, etc. Et aujourd'hui, comme vous pouvez l'entendre en arrière-plan musical, en fond sonore, nous allons vous parler de Mission Impossible, Mission Impossible en français, sorti en 1996, réalisé par Brian De Palma, où Tom Cruise joue l'espiègle espion Ethan Hunt. Wow. Hop là, petite musique, ça se termine, c'est beau. J'ai réussi à faire tout le pitch juste sur la musique d'intro de Mission Impossible. Alors, Serena, question habituelle, est-ce que tu avais déjà vu ce film? Eh bien oui. Un grand coup de cœur même, je l'ai vu même plusieurs fois. Je n'ai pas vu qu'une fois comme on dit. Et j'avais très envie de le revoir. Ah, c'est la base. C'est Mission Impossible, c'est la base, c'est clair. Et toi? Et oui, moi je l'avais déjà vu plein de fois. Et ouais. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas revu, parce qu'en fait le problème c'est que depuis qu'on a démarré ce podcast, je m'interdis de regarder des films de Tom Cruise, alors que avant tu voyais des trucs genre Mission Impossible, je les regardais une fois par an on va dire. Ah ouais, une fois par an. Ouais, c'est possible. Il y avait au moins un Mission Impossible par an, si ce n'est les 4 ou 5, tu vois. mais pas cette année. Et celui-là, ça faisait un petit moment. Du coup, il commençait à s'effacer dans ma mémoire. Donc, j'avais hâte de le revoir pour un peu peur, tu vois, me dire ah, mais ça se trouve, peut-être qu'il a mal vieilli. Que j'avais un peu peur aussi. Hein. Et tout. Et puis, en fait, on en parlera après. sur ce, alors là, attention, exercice périlleux, on va vous expliquer. On va faire le résumé. Film qui en vrai est pas très compliqué mais qui est alambiqué alors qu'en fait il est simple. Serena, allez, c'est parti. Challenge du jour. On est à Kiev, 3 décembre 1996. On voit un gars avec un casque qui regarde un écran et en noir et blanc. On voit de l'autre côté une fille qui semble morte sur un lit, un homme en Marcel qui est interrogé par un autre homme avec une moustache qui lui demande c'est quoi ton contact en Minsk. Les gars, il arrive à le dire sous la pression. Il comprend pas comment la fille est morte. Il pense que c'est lui qui l'a tuée. Bref, Dimitri Medvedev. Bon, ok, on trinque, on boit. Les mecs avec les Marcel, il est drogué. Il tombe au sol. Les gars avec la moustache, il tombe. Il enlève son masque et c'est Tom Cruise. Ethan Hunt. Il fait toc toc sur les murs et on se rend compte que la pièce dans laquelle ils étaient, c'était juste un décor. Les décors s'enlèvent. La fille qui était semblée morte, elle est pas morte. Tout se passe bien. C'était tout mise en scène. On comprend déjà qu'on est dans un film espionnage. Générique. Pam pam pam pam pam pam pam. Générique très rigolo parce que ça semble le générique d'une série. Ouais. On en parlera tout à l'heure. Qui spoil tout le film. À peu près. Présente tous les personnages avec des scènes des films. On est sur un avion privé. Il y a Mr. Phelps qui est assis. Tu peux respirer, Serena. Je vais te faire en apnée. Il y a beaucoup de trucs. Mr. Phelps, il est sur son avion. Il y a une hôtesse de l'air qui s'approche et lui dit « Vous voudrez voir un film ?»« Non, non, merci. Je peux vous conseiller un film ukrainien. » Clin d'œil, clin d'œil. Wink, wink. Ok, il prend la cassette. Et une voix lui dit « Bonjour, Mr. Phelps. On est en mission pour vous. » En gros. Il explique que Alexander Golitsyn, j'arriverai jamais bien à le dire. C'est ça, à peu près. Il est attaché à notre ambassade à Prague. C'est un traître. Il a déjà volé la moitié d'une liste NOC, NOC, je sais pas, knock list. NOC, oui, une non opérative content ou je sais pas quoi. C'est les agents non officiellement couverts. Ouais. En Europe de l'Est. Donc il y a que les noms en code et il lui manque l'autre moitié qui relie les noms en code au vrai nom, au nom réel. Donc il veut voler la deuxième partie de la liste ce soir même à l'ambassade, parce qu'il y a une soirée à l'ambassade tout à fait. De Prague. Donc votre mission, si vous l'acceptiez, c'est de photographier les vols, le suivre et coffrer lui et l'acheteur. Et récupérer la liste. Donc vous avez... Aïe, je me suis tapé les doigts. Pardon. Vous avez votre équipe habituelle. Donc il y a Jack, les super geeks hackers. Il y a Claire, qui, c'est votre femme qui s'occupe de la logistique. Il y a Sarah... Hein? Elle fait les cafés. Claire. Elle fait les cafés. Sarah qui est l'infiltrée. Hannah qui va suivre. Je ne sais plus qu'est-ce qu'elle fait, Sarah. Anna, pardon. Qui assure la surveillance. C'est voilà. Ça. Et Ethan Hunt, votre éclaireur, comme d'habitude. Comme d'habitude. On se retrouve. Et ce message se auto-détruira en 5 secondes. Bip, bip, bip. Pff, fumée. Iconique, quand même. Ah, c'est la base. On est à Prague, dans la planque. Il y a toute l'équipe. Et Jim Phelps donne les plans à tout le monde. Donc, il dispatche les rôles. Lui, il regardera de la planque. Et tous les autres, ils doivent faire... Ethan Hunt, il va s'habiller en politicien, je crois. Oui, un sénateur. Avec encore un masque. Ouais. Sarah, elle est déjà infiltrée. Elle sera à la réception. Quand Tom Cruise, disons plus facilement, Tom Cruise, il arrive, tous les deux, ils vont essayer d'aller dans un ascenseur qui sera ouvert par Jack, ouais. Où ils vont rentrer, où il y a la knock list. Ils vont mettre une caméra pour pouvoir filmer l'autre qui les vole et après ils le suivent. Oui, ils lui mettent du parfum dessus pour le repérer de loin. Enfin, voilà. Ça, c'est l'idée. C'est la soirée, tout se passe bien. Tom Cruise, il arrive, tout le monde pense que c'est le sénateur. Il se retrouve avec Sarah. Ils ont des problèmes dans l'ascenseur. Jack, il est dans l'ascenseur, au-dessus de l'ascenseur. Ça semble un détail, mais c'est très important. Il rentre dans les trucs. Ils mettent des lunettes parce qu'ils ont plein de des gadgets, dans gadgets technologiques. Des lunettes avec des mini-caméras, des chewing-gums qui tuent... Tu les mets le rouge et le vert ensemble. Green light, red light. Ça devient une petite bombe. Une bombe explosive. Donc, tu as 5 secondes pour t'échapper. Tu as des stylos qui envoient de la drogue, plein de trucs. C'est génial. C'est génial. J'adore. C'est les années 90. C'est le magasin de jouets, quoi. C'est génial. Donc, Sarah et Ethan sont. En gros, ils ont placé les lunettes, ils essaient de s'échapper. L'ascenseur, il ne répond plus. Et Jack, le geek hacker, il ne comprend pas pourquoi rien plus ne répond à ses commandes. À ses commandes. Oui. L'ascenseur répare et en fait, il s'est fait écraser. Bam, Jack, il est mort direct. Allez, 1-0. 1-0. Sarah et Ethan sortent assez vite. Jim, il dit Jack, il est mort. Abandon. Tout le monde abandonne. Je viens vous récupérer. Ethan Hunt, il dit non, on va quand même suivre Golitzi parce qu'il a quand même liste. Il va quand même la donner. Il faut sauver ces gens. Donc, Sarah suit Golitzi. Et Ethan aussi. Aussi. Il voit par contre sur son oui, sur horloge, sur sa montre, il a une petite caméra où il voit il voit Jim Phelps, du coup, la caméra que Jim il avait sur lui avec ses lunettes, et il voit un pistolet contre Jim Phelps, du sang, et Jim qui tombe d'un pont. Non, il est mort. Allez, il recourt pour aller voir les autres filles, Claire et Anna, qui sont dans la voiture, et pouf, la voiture explose. Il va voir Sarah et bam, Sarah et Golitzi sont fait poignarder. Il a juste les couteaux, il n'y a plus de disquettes. Il n'y a plus rien. Oh non, qu'est-ce que tu fais là? Là, il n'y a plus d'équipe. Il appelle Kittredge, donc le chef. Un mec de la CIA qui a l'air responsable de l'IMF. Voilà. Il se donnera. Kittredge, je lui dis oui, pas de soucis, on se donnera à l'aquarium. Aquarium avec un K. Aquarium. C'est un magnifique restaurant poissonnier de Prague. Avec plein d'eau partout, plein d'aquariums. Avec gros aquarium, du coup. Et Kittredge, je lui dis, tiens, passeport, argent pour tes cassés. Et je suis désolée que tout le monde est mort. Il dit, ouais, j'ai perdu tout le monde et tout. Il se regarde autour et il reconnaît des visages. C'est plus comme dans Usual Suspect. Tout d'un coup, attends, mais... Tom Cruise, il reconnaît à peu près tous les gens qui sont dans les restaurants. C'est qui? Et il dit, pourquoi il y a une deuxième équipe sur cette mission? Il dit, quoi? Qui ah bon, dit, ah bon? Moi? Ben non, pas non, du tout. Je, non, c'est pas moi. Et en fait, on découvre que depuis 2 ans, il y a un infiltré dans la CIA, je crois. Ouais, enfin dans la force mission impossible. Voilà. Il y a des soucis à chaque mission. Et donc, il y a un top. Et qu'ils ont découvert qu'il y a un certain Max, un tchèque, qui veut récupérer la liste, la knock list, que cette opération-là, c'était une opération fausse, parce que la knock list n'est pas du tout à Prague, mais à l'anglais, aux États-Unis, et qui, c'était une mission pour découvrir c'est qui la top. C'est ça. Parce que Golitsy, finalement, c'était un de la CIA. Mmh. Et les seuls survivants, c'est étonnant. Oui. Du coup, c'est louche. C'est bizarre. Ça, et puis, ses parents, ils ont des sous sur le compte en banque. Oui, parce qu'en fait, la ferme de famille de étonnant, il est en ferme de famille, elle était en faillite. Et, comme par hasard, il y a 5 000 $ qui sont apparus sur son compte. C'est ça louche. Qu'est-ce qu'il fait Tom Cruise? Il sort son chewing-gum, green light, red light, paf, bam. Il accroche, explosion, des verres, des lots partout. Il arrive à s'échapper avec une course magnifique et ta-ta-ta-ta-ta, il et du trace. Coup, ouais, on peut dire quand même que c'est un peu con d'avoir un restaurant plein entièrement d'eau. En aquarium, quoi. C'est hyper dangereux. Très belle scène. Je pense scène. Que depuis, ça n'existe plus. C'est que l'aquarium. L'aquarium. Okay. Donc là, il s'échappe. Il retourne à la planque. Pour chercher des informations sur ces Max, oui. Et c'est qu'on appelle les Job 314, oui. Qui est un peu le nom en code de l'opération pour récupérer la knock list. Donc, il commence à écrire, machin, il n'arrive pas à trouver les mots de passe, il veut écrire un mail en fait à Max, il veut le contacter, quoi. C'est vrai. Il utilise Internet. Il utilise presque Internet. Un faux Internet, mais c'est très drôle, ça. Du coup, il cherche, et il trouve... que Job 3:14, en fait, c'est une référence à une Bible, à la Bible. Donc, Job, je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est un verset, c'est chapitre verset, ouais. Mais Job, c'est un genre Johan, je ne sais plus, Jacob, bon, je ne sais pas. Bref, un gars. Donc, il arrive à écrire un mail à Max en disant il faut qu'on se voit, tu as la disquette que tu as récupérée, c'est tout pété. C'était une arnaque de la CIA. Et là, il entend des bruits dans les couloirs qui apparaissent. Qu'est-ce que c'est? Claire. Ah, ça va, c'est Claire. Bah, ça va pas. Il y a une rencontre chelou parce que c'est un peu bizarre, érotico-chelou. Oui, et puis lui, il est méfiant. Parce que là, il est méga méfiant. Comment ça se fait qu'elle est encore en vie? En plus, il a vu s'exploser, Sarah. Et Claire, non, mais Jim avait dit abandon. Et c'était, il fallait abandonner quand il disait abandon. Et on avait rendez-vous ici à 4 h du matin. Et là, c'était barré, elle n'était plus dans la voiture. Et elle était là, et en effet, les cloches sonnent, c'est 4 heures. Donc, Tom, il lui croit. Ok, pim, pim, pim, pim, pim. Vous avez un message. Message reçu. Max dit, ok, on se rencontre demain à telle heure, à tel endroit. Sympa. Sympa. Premier contact, cool. Ouais. Du coup, rancard. Rancard avec Max. Donc, il y a un gars qui le prend, il lui met une cagoule, il le met dans une voiture, il le mène chez Max. Il lui enlève la cagoule. Et Max est une femme. Allez. Et quelle femme, quelle classe. Attends, une dame Vanessa Redgrave. Incroyable. Qu'elle lui dit, mais vous n'êtes pas Job? D'abord, Tom Cruise dit, c'est qui Job? Ces fameux oui. Job, donc la taupe, la réelle taupe, parce que lui, il veut trouver c'était qui la taupe. Oui. Elle dit, je vois que ce n'est pas vous, moi je ne sais pas c'est qui. Et en tout cas... je m'en fous, qu'est-ce que vous faites là? Et tout, il lui dit, je peux vous proposer, vous me donnez ça, je sais pas combien de dollars, et je vous dis qu'en fait, la disquette que vous avez, c'est juste, ça va juste à renvoyer un signal pour la CIA pour qu'on vous retrouve. Elle dit, mais non, pas vrai, elle la met, la CIA débarque, il s'échappe juste à temps, elle a confiance en Tom Cruise. Eh bien oui, bien sûr. Donc, lui, il dit, je te donne la vraie knocklist pour 10 millions de dollars. C'est pas dégueu. Et Job. Et je veux que tu organises une rencontre avec Job. Elle dit OK. Ouais, cool. Maintenant, il faut aller chercher la notice. Attends, de l'anglais, quoi. Voilà. Donc, il faut trouver des gens qui aident lui et Claire, parce que Claire, elle dit je suis avec toi. Sachant que l'anglais, c'est le, la CIA. Hein. Les c'est QG, le de, QG la CIA. De la CIA. Donc à peu près ce qu'il doit y avoir de plus sécur aux États-Unis. Donc il cherche dans les fichiers des agents désavoués, donc les agents de la CIA qui sont jetés à la poubelle. Oui. Parce qu'ils sont louches, peut-être. Bah je sais pas. Bah comme lui, là, actuellement, il est désavoué. Oui, là, il est désavoué. Il trouve Luther, donc un gars qui est super expert en hackérage, machin. Un geek. Et un geek, mais pas les clichés du geek. Non, pour c'est ça fois, qui est drôle. Ça, c'est trop cool. C'est un méga baraque, un black méga baraque, trop catcher, stylé, trop ouais. classe, hyper cool, trop sympa. Ouais, rien à voir. Effectivement, il a été casté exprès. Pour, Bah ouais, c'est trop bien. Ouais. Et Krieger. Jean Reno. Okay, on comprend pas trop c'est quoi sa spécialité. Mais... C'est d'être violent, j'ai l'impression. Non, c'est le pilote. C'est le pilote. Voilà, les transports. Donc, ils ont un peu de doute. Il dit ben, on doit aller à l'anglais. Pourquoi? Pour chercher quoi? Il dit bon, il faut rentrer dans les terminales. Il explique pas trop qu'est-ce qu'il veut rentrer dans l'ordinateur, mais il leur dit pas que c'est pour la knock list. Non. Il dit bon, en gros, on rentre dans les terminales. Les terminales, c'est une chambre forte hermétique. Il n'y a qu'une personne qui peut rentrer. Elle passe. Gros système de sécurité. Ah non, mais c'est un truc de ouf. Attention. Identification de voix plus un code à 6 chiffres. Ouais. Tu rentres dans l'antichambre. C'est ça. Dans l'antichambre. Scan de la rétine plus une double clé électronique qu'on n'a pas. Donc, il faut rentrer par les conduits. D'aération où il y a des lasers, mais bon, que tu peux enlever très facilement. Et qui est quand même à hauteur de 10 mètres ouais. par rapport à là où il y a l'ordinateur. Et il y a plusieurs systèmes de sécurité, de sécurité, des vibrations acoustiques, donc pas des bruits. Pas de bruit. De chaleur thermique. Donc pas de chaleur. Donc pas de corps humain qui rentre. C'est rien qui fait décaler de 1 degré Fahrenheit. Ouais. C'est chaud. Et très sensible au poids. La moindre goutte. C'est, sur le sol, ça part en couille. Ça part en couille. Tant, ok, mais c'est pas un problème. Tant. C'est une mission que je qualifierais d'impossible. Donc allons-y. On se retrouve à l'anglais. Toute l'équipe, ils rentrent dans les bâtiments déguisés en pompiers. Donc facile déjà. Facile. Premier truc, passé. Claire, elle s'échange, elle se travestit en secrétaire. Elle trouve la personne qui devrait rentrer dans le système. Elle le drogue avec son stylo qui lance stylo du liquide. C'est trop con. C'est génial. Donc, il le drogue. Elle le drogue. Après, entre-temps, Jean Reno et Tom Cruise, ils rentrent dans les conduits. Jean Reno, il tient Tom Cruise avec une corde et Tom Cruise, il se cale petit à petit. Silence absolu. Oui, toute la scène se fait en silence. Il descend. C'est incroyable. Scène, pièce blanche. Ouais. Tout est au ralenti. Non. La personne qui devrait rentrer rentre dans la pièce. Donc, on remonte. Tom Cruise, il remonte, mais pas tant. Il est juste suspendu jusqu'au-dessous de sa tête. Et en silence. Il vomit. Et l'assistant, mec, il est malade. Ça y est. Il est malade. Parce que la drogue a fait effet. Il vomit, il se casse. Tom Cruise, pirouette, il télécharge la knock list. Entre-temps, Jean Reno, il y a un rat qui l'embête, donc il tue les rats, mais il se laisse échapper Tom Cruise, qui s'arrête à 1 centimètre du sol. Il y a une goutte de sueur qui tombe, mais Tom Cruise, il arrive à la bloquer. Il remonte, il prend la disquette, tout va bien, il remonte, il donne la disquette à Jean Reno, qui laisse tomber son couteau, qui vole et se plante juste à côté sur de le l'ordi. L'autre gars, il arrive et c'est à la rencontre que quelqu'un est rentré parce qu'il y a un couteau. Il y a un couteau, c'est chelou. Donc, alarme. Ils sortent Tout le monde sort en catastrophe. Un pompier. Mais et ça va. Ils sont sauvés. Mission impossible, mais mission accomplie. Yes. Mais c'est pas fini parce que. c'est presque fini, mais c'est pas fini. Ils se retrouvent dans leur planque. Jean Reno, il dit moi j'ai la knock list, je vais venir avec toi, sinon je te la donne pas. Ouais. Celui ça l'intéresse, c'est la thune qui l'intéresse. Oui, voilà, il veut plus des thunes. Et Tom Cruise dit ah bon, mais non, t'as pas du tout la disquette, cette regarde. Disquette mais non. mais là, c'est celle-là. Il fait un magnifique tour de magie où il lui montre qu'en réalité, il lui a donné une fausse disquette. Jean Reno, il y croit et jette la disquette à la poubelle. Et Tom Cruise, c'est la récupère parce qu'il avait la bonne. voilà. Il donne la disquette à Luther parce qu'il a confiance en lui. Oui. Et lui dit, toi, tu dois faire en sorte que Max ne l'aille jamais. Ok, très bien. Claire, le drague. Ouais. Chelou. Ouais, mais ça, c'est des restes du premier scénario. Ah, voilà, ça, c'est les choses que je ne sais pas. Mais en tout cas, il le drague. Il découvre que la CIA, pour récupérer Ethan Hunt, parce qu'ils ont compris que c'était lui qui avait volé la Nocliste, a inculpé sa mère et son oncle de drogue dealer. De trafic de drogue. Un truc trop bizarre. C'est très drôle, ça. Pour le récupérer. Tom Cruise, il regarde de Bible. La Bible qu'il avait récupérée. Oui. Là où il avait trouvé les trucs de Job 3.14. Des Job 3.14. Et il voit qu'il a écrit Drake. Drake Hotel à Chicago. À Chicago. Et c'était qui était au Drake Hotel à Chicago? Nous, on sait que c'est Jim Phelps qui est mort. Il va dans une cabine téléphonique et qui est derrière lui. Jim Phelps, il est vivant. Il va à la cabine téléphonique pour appeler la CIA pour qu'ils sachent qu'il est à Londres. Mais pas exactement où, mais juste pour qu'il puisse le suivre. Venir vers là-bas. Parce qu'il a besoin que la CIA vienne aussi. Si tout son plan roule, il faut qu'il y ait la CIA. Plan très compliqué. Donc, Jim, il lui dit je me suis échappé. Je suis très malade, machin truc. J'ai vu qu'il m'a tiré dessus. C'est la taupe, c'est Kittredge. Oui, donc le mec chef de la CIA. Il y croit pas. Non. On le voit. On et du coup, il dit « Ah oui, c'était quoi les plans ?» En fait, on voit les images qu'Ethan Hunt s'imagine pendant que Jim il parle et il accuse Kittredge. Tu vois. Et il imagine tous les plans. En fait, c'est Jim Phelps, il avait du faux sang. Ouais. C'est lui qui a tué Jack dans l'ascenseur. C'est lui qui a fait exploser la voiture et tout ça. Tu vois. C'est clair qu'il fait exploser la voiture. Et non, parce que là, il s'est dit « Non, c'est pas clair. Peut-être c'est Jim qui le fait soi-même. » Tu vois. Il sait pas. C'est vrai. En fait, il sait pas. C'est clair. Elle était dans le jeu. Et c'est le poignard de... Et il se rend compte qu'il avait eu besoin de quelqu'un pour tuer Sarah et Golitzé avec les poignards. Et il se rend compte que les poignards, c'est les mêmes que celui qui a Jean Reno. Maudit français. Non, maudit français. Donc, il se rend compte qu'ils sont des Micmacs. Mais il dit rien à Jim. Il dit, ah oui, non, mais oui, t'inquiète. De toute façon, moi, je veux le trouver, la taupe. Je me suis mis d'accord avec Max. On se retrouve sur le TGV pour Paris. Et je vais trouver c'est qui Job. Donc, Jim, il sait. Et il va y aller. Alors, donc, oui. Et après, il invite la CIA. Il leur donne un ticket de train pour ces fameux TGV de Paris. Et il y a Max aussi. Donc là, il y a tout le monde. Dans le train, il y a tout le monde. T'imagines, t'es en train d'aller à Paris en TGV. Et en fait, il y a un énorme bordel entre la CIA, une trafiquante d'armes, une taupe, un espion désavoué. C'est donc, génial. Tout le monde est sur les TGV. Max appelle Ethan Hunt. Ethan lui dit, t'as la disquette sous ton siège. Donc, elle prend la disquette, elle la met dans l'ordi, elle commence à télécharger, elle se rend compte que c'est la vraie disquette. Mais Luther est assis juste à côté, qui brouille la connexion et du coup, elle n'arrive pas à télécharger à la vitesse qu'elle voudrait. Très bien. Sachant qu'en temps normal, si vous avez déjà essayé de télécharger un film dans un TGV, c'est pas facile. Il n'y a pas besoin de brouilleur. Hein. Ouais. C'est chaud. La CIA, entre-temps, elle arrive, il cherche quelqu'un avec un laptop, un ordinateur donc pour trouver Max. Parce que voilà. Et Luther, du coup, il a un ordinateur. Oui. Il se casse parce qu'il a peur d'être pris par pour Max. Choper. Il laisse quand même son portable qui brouille les pistes à Max. Mais un gars... Un gentil monsieur de la SNCF. Voilà, il prend l'ordi, il lui dit « Monsieur, vous avez oublié votre téléphone, pas l'ordi. » Et donc, ça brouille plus les pistes. Mais Luther, il se casse quand même. Il se cache dans les toilettes. Claire, elle arrive... Elle appelle à Ethan et lui dit c'est où l'argent, parce que Max a amené l'argent et c'est dans l'espace bagage. Donc Claire va dans l'espace bagage. Il y a Jim Phelps dans l'espace bagage. Okay. Elle lui dit Jim, ne tuons pas Ethan, prenons juste l'argent et nous cassons. Il mérite pas de mourir. Oui, mais par contre on le fait accuser quoi. C'est en gros pour la tuer voilà. Dans ce cas ce sera lui qui ça sera lui qui sera accusé d'être Job. Jim réfléchit, regarde et... Il se gratte le cou Il enlève son masque et non, c'est Tom Cruise qui s'est habillé en Jim Phelps. C'est trop Scooby-Doo en fait, c'est génial. Il y a le vrai Jim qui arrive avec un pistolet qui menace Ethan, qui dit de toute façon, personne ne saura que c'est toi le... que je suis vivant. Bah oui. Donc tout le monde pensera que c'est toi la taupe. Et personne ne t'y croira. Et de toute façon, Claire dit, mais pourquoi t'as fait ça à Ethan et Ethan dit, je ne savais pas si t'étais dans les coups ou pas, c'était la seule façon de savoir. Mais non, je le sais. Et chante. Ethan dit, attends, il sort ses lunettes, il les met et en fait, il le filme. Donc maintenant, tout le monde sait que Jim Phelps, il est vivant. Il est vivant et c'est lui la taupe. Donc, Jim Phelps, il s'échappe sur les toits du train. Tom Cruise, il le suit sur les... Ah, il tue entre-temps Claire. Jim Phelps, par erreur, oui. Il a tiré sur Claire ou il l'a fait exprès, je ne me rappelle plus. Ouais, je crois qu'il est vraiment, elle est morte. Bref, ils se retrouvent tous les deux sur les toits du train, du TGV. Il y a un hélicoptère qui arrive et c'est qui conduit ? C'est Jean fucking French Renault. Mais non, il prend cher, Jean Renault. Les pauvres. Il conduit l'hélicoptère. Jim, il essaie de s'accrocher. Tom, il arrive. Trop belle scène. Il accroche l'hélicoptère au train. Il y a un tunnel. L'hélicoptère, il est obligé de rentrer dans les tunnels. Chose impossible, mais ok. Là, c'est tout un bordel. Là, c'est ouf. Là, c'est la bouquet finale. Jim Phelps, il monte sur l'hélicoptère. Tom Cruise, il monte sur l'hélicoptère. Chewing gum, red light, green light. Explosion de l'hélicoptère. Tout le monde meurt. Tom Cruise, il se sauve miraculeusement. Voilà, donc Krieger et Phelps sont morts. Krieger, oui, Jean Reno et Phelps sont morts. C'est la fin. Donc, Kittredge, il a quand même découvert que Max était Max. Max. Ouais. Et en gros, il lui dit vous venez avec moi en prison. Bravo. Elle dit non, mais je n'irai jamais en prison. Bravo, madame. Et ils essaient de faire un accord. Ouais. Un accord hors tribunal, quoi. Très bien. On retrouve Ethan Hunt et Luther dans un bar. En fait, on découvre qu'ils sont plus des agents désavoués. Oui, ça va mieux. Et la famille d'Ethan Hunt, elle est plus accusée de drogue. Parce qu'ils n'ont jamais drogué, non. C'est quand même fou. Qu'ils ont eu des grandes excuses, plein de trucs. Et Ethan Hunt, il va prendre enfin un avion pour se reposer de cette mission impossible. Et une hôtesse de l'air arrive et lui dit « Est-ce que je voulais voir un film ?» Non, non, non. Mais une mission... Non, un film, un cinéma antillais. Et dit « Ok, d'accord. D'accord. Clin d'œil, clin d'œil. » Et là, c'est reparti. Et bim, badaboum, générique. Pour une nouvelle mission. Bravo. Fin du film. Bravo, Tom Cruise. Bravo. Bravo. Bravo. Magnifique. Voilà, voilà. Ok. Bon, bah alors du coup, pour se mettre rester dans la petite ambiance, on va se faire l'extrait de suite. Donc là, l'extrait, c'est... Alors, on a un peu galéré. On a cherché un petit peu les extraits. Il y en avait des trop courts, des trop longs. Et puis en fait, on ne pouvait pas trop passer à côté de la scène iconique du film où donc il est en rappel, il descend en rappel pour aller récupérer la knocklist à l'anglais. Dans le silence absolu. Silence absolu, c'est une scène qui a été... recopié des milliards de fois un petit peu partout, donc on va regarder ça et là on a un petit peu avancé et il a récupéré la knocklist et maintenant il va la télécharger sur essaie de télécharger avec sa disquette et donc on rappelle qu'il est toujours les fesses en l'air tout ça. Suspendu. Mets la disquette très silencieusement. Il y a un petit bruit, on va faire trop de bruit. Luther qui vérifie tout. Et, Jean Reno, il est dans les conduits à l'air et il voit un rat s'approcher de lui. Le chargement de la knocklist. C'est à 50%, ça. Ouais, ça va vite. Hein. Ça, c'est agréable. Ouais, mais les rats, ils s'approchent. Et Jean, il fait des bruits bizarres. Parce qu'il fait de la ASMR chelou. C'est trop lourd, quoi. Ouais, ça le stresse. Chargement effectué, tout est dans la disquette. Parfait. Tom, il prend la disquette très discrètement, mais les rats, ils n'arrêtent pas de s'approcher des gens. Oh non, il lâche la corde. Il le rebloque. Un centimètre du sol. Tom, on dirait qu'il fait de la natation synchronisée. Ouais, c'est ça. Il essaie de ne pas toucher le sol. Il ne peut rien dire, il ne peut même pas faire un bruit. Mais non. Et puis, il ne faut pas trop qu'il s'énerve, parce que sinon, ça chauffe le corps. Et... Jean Reno, il essaie de le tenir encore avec la corde. Luther, bon, Il a tué le rat. Oui, il a tué les rats avec Luther, un coup de main. Luther, il est en stress. Et Tom Cruise... La température augmente. Ouais. Il y a la personne qui devrait revenir dans la pièce. Oh. Ah, qui répare aux toilettes. Il fait la vie de vomir à nouveau. Pour il fait fois. Des allers-retours. Hein. Il en fait plein. Tom Cruise, là, il est un peu bloqué. Bah, il y a... Zoom avant sur l'œil de Tom Cruise. Sur les très lunettes. Très exactement sur la lunette. On voit une goutte qui va commencer à perler. Couler. Et si la goutte tombe au sol... Elle s'arrête au bout de la branche. Là, c'est chaud. Elle ne tombe pas. Quoi faire? Parce qu'il est tout quand même bien. À 1 cm du sol. Quand même. Et on a encore le... La température augmente à peine. Aïe. Là, la personne... L'employé, il est pas bien. Il revient des toilettes, mais c'est pas mieux. Jean, il arrive pas plus à tenir. Deuxième goutte suit l'exemple de la première. Il y a Luther qui attend, qui est en suspense comme nous. Et là, ça va tomber. Tomber. Et avec un beau ralenti... Clac, il arrive à placer sa main en tant que Tom Cruise sur la goutte et la bloque. Au ralenti, c'était magnifique. Et la personne arrive à rentrer dans l'antichambre. Luther, il dit, il arrive. Il y a Krieger qui remonte doucement. Krieger qui essaye de le faire remonter. Mais la corde, quand même, fait du bruit parce que ça tire. Ça glisse, ça glisse. Il y a, du bruit. Dépêchez. Vite, allez. Vite. Dépêche. One red. Ouais, one red, ça veut dire les bruits commencent à être un peu trop forts, quoi. Ouais. Hop, le scan des yeux, la il récupère la disquette, il la met dans les dents. Allez, la là, température monte. Oh là, c'est chaud. Il récupère tout, faut se dépêcher. Ah, super vite. Il s'accélère et la porte s'ouvre. Il est quand même... Tout va bien. Il est quand même réussi à monter, il donne la disquette à Jean-Renaud et les couteaux. Non. On ralentit, tombe. Le couteau qui tombe. Le regard de Tom et... Skaboum. C'est bloc. Ça se plante sur le bureau. Là, il fallait et vite. La porte s'ouvre, l'employé, il rentre. Il voit les couteaux. Et pourquoi il y a un couteau? Alerte! Alerte! Alerte! Alerte! Et là, il réfléchit un peu, alors que toi, tu donnais l'alerte depuis bien une bonne minute. Ils sont où? Qu'est-ce que c'est un couteau? Qu'est-ce que c'est un couteau? Il leur a laissé le temps d'échapper, en fait. Ouais, c'est ça. Il est super sympa. Il est sympa, cet employé. Et regarde en l'air, y a rien, c'est fermé, y a les lasers. C'est vrai que c'est bizarre quand même, tu te dis mais comment ça se fait que... Ah bah, bah après il est malade, voilà. Mais il enchaîne pas. Et voilà. Et là il voit qu'il a été... il a été téléchargé. Et là vraiment, c'est parti. C'est l'alerte. Allez. Oh my god. Quelle scène! Quelle émotion! Et là, en plus, on a fait, nous, vraiment les dernières minutes, mais elle est très longue et il n'y a pas un bruit, il n'y a pas de musique. Elle est trop aussi. Belle, cette scène. Ça, c'était une des volontés, d'ailleurs, de ne pas mettre de musique sur la scène. C'est trop génial. Un rebours des blockbusters habituels. Ouais, mais c'est trop bien. C'est trop une bonne idée. Alors, le film! Le film! Le alors, film, vas-y, ton, Paul, ton avis, Serena, ou le mien, peu importe. Vas-y, vas-y, commence. Tu veux que je commence? Bah, moi. Je te disais en intro, moi j'avais peur de le revoir en me disant ah ça se trouve il a un peu vieilli, mais en fait non, en le revoyant je me dis mais c'est fou, c'est fou. Parce qu'en fait c'est génial, ça marche bien et ça vieillit super bien en fait. C'est vrai. C'est assez génial en fait comment ça arrive à faire le pont entre la série télé, arrive à dire on reprend les codes de la série télé mais on se débarrasse de la série télé et on fait un blockbuster d'action moderne d'espionnage. T'as toujours la patte de Brian De Palma. Et t'as déjà tous les ingrédients de toutes les missions impossibles qu'il y aura après. Attends, par contre, peut-être pas tout le monde sait que c'est tiré d'une série télé. Oui, alors c'était une série de télé à la base. Pas avec Tom Cruise. Non, pas avec Tom Cruise, qui était très populaire dans les années 70. Ouais. Et c'était un peu le même principe, hein, en fait, il y avait pas mal de similitudes. C'était donc Jim Phelps, qui était le chef de mission, qui avait plusieurs agents, qui à chaque fois au début il recevait sa mission, une petite cassette, on lui disait voilà votre mission c'est ça, c'était souvent à l'étranger dans des pays fictifs et c'était des missions où il fallait voler des choses, en gros il n'y avait pas de meurtre, hein. On ne tuait personne, c'était récupérer des infos confidentielles, extrader des gens, etc. Et c'était à chaque fois il faisait semblant de choisir ses agents, c'était toujours les mêmes. Bon. Et ouais. C'était tout le même principe, tu avais le pilote, le hacker, enfin, etc. Et c'était très populaire et assez original à l'époque, voilà. Donc ça, c'est des trucs qui... Il y a pas mal de choses qui sont restées, en fait. Ouais. Et dans le film, dans Mission Impossible film, il n'y a que Jim Phelps. C'est le seul personnage de la série qui existe toujours. Tous les autres, en fait, ce n'est pas les mêmes. Ethan Hunt n'était pas dans la série, etc. Ouais. Ils ont réécrit et réinventé cela. Même si Ethan Hunt, il est plutôt inspiré des deux personnages qui étaient ceux qui se costumaient, et qui étaient les éclaireurs. Les éclaireurs de la série, ouais. Il y avait Martin Lando qui faisait Rollin Hand. Bon, c'est pas un vrai, des personnages mais... de la série qui se maquillait, enfin qui se maquillait. Et il y avait Leonard Nimoy aussi qui faisait Paris. Ah oui. Qui faisait Paris, le mec qui se maquillait aussi. Bref. Bref. Voilà. Donc il y avait quand même beaucoup de trucs dans la série qui sont repris dans le film. Sauf que le film est beaucoup plus sur l'action, etc. Et puis va chercher un petit peu plus loin dans les tensions dramatiques et dans les conséquences, on va dire, des actions. Et en plus, c'est là que c'est fort. Moi, du coup, ce que je me disais, c'est que par rapport à la série télé, rien que la première scène, c'est réglé. En fait, dans la toute première scène, t'as tout compris, tout est réglé. C'est vrai. C'est-à-dire qu'en plus, elle est filmée, c'est génial parce qu'on voit la mission, la toute première mission qui se passe à travers l'écran de contrôle, qui ressemble à une petite télé. Oui, noir et blanc. C'est en noir et blanc, c'est mal filmé. Enfin, c'est filmé comme un téléfilm, quoi, en fait. Donc, avec des plans larges, enfin, c'est pas très, très heureux. On voit le truc de, effectivement, il y a le masque, il y a les poisons, les gadgets, il y a celle qui fait semblant d'être morte, etc. Et puis, la mission se termine, ils réussissent. Et là, on sort de l'écran, on enlève le masque et on fait tomber le décor, quoi. Oh, et là, c'est génial, tu vois, l'image. Ouais, de dire, en fait, OK, ça, c'était la série, on l'a compris, maintenant... Bougez pas. Là, c'est de la série, maintenant c'est du cinéma, quoi. Ouais, et là, badaboum, quoi. Ouais. Et juste avec la scène, en la voyant, je me dis, mais c'est brillant parce qu'en fait, c'est ça. C'est-à-dire, OK, on a compris. Maintenant, bougez pas. On va vous faire des films. Trop bien. Et là, c'est génial. Ouais. Et après, et là où j'étais aussi assez surpris, c'est que j'avais pas souvenir que c'était vraiment dès le premier épisode qu'il y avait tous les attributs, en fait, de la série Mission Impossible, des films. Qui seront après la nouvelle série des films. Ouais. C'est ça, parce qu'en fait, t'as toujours le même principe de bande, de maquillage, de gadgets à fond. Ouais. J'avais pas souvenir qu'il y avait autant de gadgets sur le premier, je m'en rappelais plus de tout ce. C'est tellement iconique, quand même. C'est fou, quoi. Ah non, mais c'est dingue. Ouais, je sais, et les grosses scènes d'action, enfin, ouais. Et le suspense, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de morts, en fait, parce que dans les Missions Impossibles, il y a très peu de morts, en fait. Il n'y a pas beaucoup de fusillades. Là, il n'y en a pas une seule. Bah si, il y a les morts de la première mission. Oui, il y a des morts, mais il n'y en a pas tant que ça, en fait. Quand tu prends un James Bond, il y a beaucoup plus de morts. Et ça, c'était un truc que Brian De Palma, il voulait pas qu'il y ait de fusillade et tout ça, en fait. Il voulait très peu de morts, il disait qu'il n'y avait pas besoin, en fait. Lui, il voulait faire un thriller d'espionnage, il voulait pas faire un film d'action basique de tuerie. Et ça, c'est un truc qui est encore dans les Missions Impossibles après aussi, et ça, qui démarque d'autres films d'espionnage. Avec des cascades quand même, énormément de cascades. Et ça, c'est pareil. Là, c'est commencé déjà là. Ouais, c'est les premières grosses cascades de Tom Cruise. Ouais. On y reviendra après. Je vais te demander ton avis, mais on y reviendra après. Moi, j'ai beaucoup aimé. En fait, je l'avais revu pendant les confinements, le film, parce qu'on a refait toute la série d'émissions Impossible pendant les confinements. Et j'avais envie de le revoir parce que on n'avait pas trop accroché, je pense, pendant les confinements. Et là, en fait, je me suis trop éclatée. C'était trop bien. Je trouvais assez génial. Je trouve juste un peu dommage le personnage de Emmanuel Béart, Claire. Je trouve que c'est le seul personnage qui fait un peu la meuf qui est dans la séduction. Qui n'est pas très doué en soi, mais quand même un peu, mais quand même qui essaie de draguer. Après, ils essaient de le faire parce qu'ils essaient de le justifier parce qu'elle est méchante, donc elle essaie de draguer Tom. Mais bon, je trouve ça un peu dommage. Après, je trouve super cool que Max, ce soit une femme et qu'elle dame. C'est trop génial. Le geek, comme je disais tout à l'heure, je trouve ça génial. Luther, il est trop un beau personnage. En réalité, tout est trop bien, quoi. C'est clair. Et les cascades. Et la scène là qu'on vient de faire avec les silences, mais c'est tellement génial. La mise en scène, les plans. Mais même Kittredge, tu vois, le chef CIA, il est méchant. Ouais. Il est pas gentil en fait. C'est pas quelqu'un que t'as envie d'aimer. Il est pas présenté. Ouais, même c'est... les plans, le prendre en bas, tu vois, il a un côté très. Mais ça, en plus, c'est pareil. C'est un truc de la série, enfin des films, de la série de films. Je veux dire des films Mission Impossible. C'est ça. C'est le rapport entre donc les gens de Mission Impossible. Qui sont des opérations qui sont pas officielles et le rapport qu'ils ont avec la CIA, tu vois, dans les films d'après, il y a Alec Baldwin qui représente la CIA et c'est toujours des emmerdes avec, et c'est des mecs, tu sais pas s'ils sont avec eux, contre eux, en fait non, c'est juste que comme Mission Impossible, la force Mission Impossible, ils sont à côté, personne pourra jamais les aider officiellement, donc potentiellement tout le monde est méchant contre eux, même si et c'est très drôle en fait ce truc là, les rapports avec la CIA et tout, alors qu'en vrai eux ils font le sale boulot et c'est génial. Et l'autre truc aussi, c'est pareil, c'est les agents désavoués. Enfin, je pense que Dan Hunt, un Mission Impossible sur deux, il est désavoué. et tu vois, et c'est pareil sur les trucs qu'ils recherchent, les disquettes ou les CD ou les machins, c'est souvent des listes d'agents qu'ils cherchent, en fait. C'est assez génial. Ou des codes nucléaires. Enfin, ça, c'est le truc d'espionnage de base, mais ça suffit, en fait. C'est passionnant. C'est génial. C'est pas très profond, mais on s'en fout, en fait. Si tu veux faire un bon film d'espionnage, c'est pas sur l'objectif que ça se joue, c'est sur comment tu vas le faire. Ouais. Et ça, c'est un truc, pour la peine, dans la prod, qu'ils ont compris. Bah là, pour le coup, t'as un peu aussi... Moi, à un certain moment, je me disais, j'espère que Max, elle s'échappe, tu vois. Ouais. À un moment, tu la trouves tellement charmante et raisonnable et intelligente, tu te dis, j'espère qu'elle va battre Kittredge. Et en effet, c'est ce qu'elle fait à la fin. Elle dit, de toute façon, je n'irai jamais en prison. Ouais. Mais c'est cool quand même. C'est une méchante, c'est pas la méchante caricaturale, genre, je vais tous vous tuer. Non, pas du tout. Juste que son boulot, c'est d'être trafiquante d'armes. Et voilà. Donc elle a besoin d'infos elle doit faire son taf. Assez cool. Et après, what else? Non, mais trop bien. Non, même parce que j'avais un vague souvenir des masques. Tu vois, cette histoire du masque qui est un peu bancal. Ouais, bah après, c'est... Mais je trouvais vraiment bien... En fait, je reviens un peu sur les trucs parce que les premiers masques qu'il porte, c'est vraiment Tom Cruise. Oui. Même les sénateurs, ils regardent à la télé. En fait, c'est déjà Tom Cruise avec un masque. Et du coup, on y croit petit à petit. Ouais, c'est vrai. Sur les derniers, on y croit un peu moins parce que tu vois clairement les comédiens... C'est pas Tom Cruise avec un masque, mais ça colle quand même. C'était des effets spéciaux du coup sur Jim Phelps à la fin. Après, ils n'en abusent pas trop du masque, tu vois, il y a trois fois. Oui, masque, voilà. Donc ça... mais c'est marrant, et tous les gadgets, ils sont trop marrants, c'est trop génial, ça n'a pas trop vieilli non plus. Non, ça vieillit sympa. Et puis, ça fait partie du folklore de l'espion. Oui, fait. Voilà. Donc, si tu veux, c'est... Même les cassettes. C'est des trucs, tu vois, que dans les James Bond, ils ont un peu tendance à oublier ces gadgets-là. Dans les nouveaux James Bond. Je trouve que tu as un truc qui s'est un peu perdu parce que tu as le côté, je pense que tu as le côté où ça, tu te dis ça fait kitsch, mais en même temps, c'est ça qu'on veut voir. Quoi. Mm-hmm. C'est Tom Cruise, qui du coup est producteur du film, il disait mais moi je veux qu'il y ait des gadgets parce que moi je me suis dit si j'étais un gamin de 10 ans qui veut voir un film d'action c'est au cinéma, grave. Je veux qu'il y ait des gadgets, je veux qu'il se passe des trucs fous. Mais grave, même les chewing gum là qui devient la bombe explosée, c'est trop génial. Ça suffit en fait, c'est du cinéma. Donc, l'horloge, la montre pour voir les écrans. Bon, bref, tout est bien dans ces films. J'ai trop aimé. Ouais. Et tu vois, même les masques, on utilisait les masques avec le côté un peu cheap. Et ils vont, même ça, le côté cheap des masques, ils vont s'en servir dans les épisodes suivants. Oui, parce qu'ils vont se moquer un peu de ce truc-là. Ouais, ils ont un recul aussi au fur et à mesure des films pour se moquer de ce qu'ils ont fait avant. C'est assez, c'est marrant, assez incroyable. Quoi. Dans la production du film, c'est hyper intéressant. Et de la série de films. Ouais. Et aussi, je dois dire, des super beaux plans. Je trouve que là, tu as vraiment le truc Brian De Palma. Ouais. C'est trop beau, quoi. J'avais pas trop remarqué quand je l'ai vu dernièrement, mais là, je me suis dit, mais non, mais c'est dingue quand même ce qu'il fait. Avec pas grand chose. Ah non, la mise en scène de Palma, elle est super. C'est génial. Et puis tu reconnais vachement du De Palma, quoi. Oui. Enfin, dès le début, tu regardes, tu commences à voir tous les plans qui sont légèrement décadrés, les contre-plongées, machin. Tu fais, ah ouais, mais c'est trop De Palma, c'est énorme. C'est trop bien. Alors, et ben, on se fait. Petit point Oscar. On se fait un petit point Oscar. Allez. Alors. Et t'as pas un jingle à mettre ? Si, j'ai un petit jingle. Bah, deux secondes. Ah, and the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. Voilà, j'ai été un petit peu perturbé sur... Et The Oscar goes. Donc, les Oscars. Alors, pour Oscar. Bah, Brian De Palma, j'espère qu'il a eu un Oscar dans Brian sa vie. De Palma, non, il n'a pas eu d'Oscar dans non. sa vie. Non. Mais non, mais ouais. Je... C'est nul les Oscars, en fait. Ah oui, mais on l'a déjà dit. Ça. Ouais. Non, Brian De Palma, je crois même pas. Je ne sais même pas s'il a eu une nomination. Ou... Ah ouais. Dans mon souvenir, non, justement, j'étais assez surpris. Ou alors, je me suis trompé, mais non, je ne l'ai pas noté. John Voight, Jim Phelps. Ouais, qui joue Jim Phelps. John Voight a eu un Oscar pour Coming Home. Et d'ailleurs, John Voight qui a été casté pour le rôle de Jim Phelps parce que il se disait, mais comme ça, personne pensera que c'est lui le traître parce que John Voight, il a une bonne tête et on l'associe à un gentil. On pourra pas se dire que c'est lui le traître. Et en plus, puisque la série... les personnages principaux de la c'est série, Jim c'est Jim c'est Phelps. C'est le seul qu'ils ont repris de la série. Donc, jamais tu te dirais, c'est lui les méchants. Quoi. Oui, et alors en plus, c'est un truc qui a été reproché au film. C'est de dire, mais pourquoi c'est Jim Phelps la taupe, alors que c'est le héros de la série. Ouais, c'est sauf que c'est aussi une manière de tuer la série. Ouais. Et ils avaient proposé au mec qui jouait Jim Phelps dans la série de faire le film. Mais lui, il a lu le truc, il a dit, bah non, en fait. Non, il peut pas. Ça va pas être possible. C'est marrant. Hein. Ouais, c'est dommage. Mais bon. Alors, donc John Voight, effectivement, a eu un Oscar. Bah après, Max. Ouais, Vanessa Redgrave a eu un Oscar. En 78 avec Julia. Ah ouais. Il t'en reste encore trois. Trois ? Ouais. La musique. Non. Non. La musique, c'est Danny Elfman. Moi, je suis pas très Danny Elfman. Ah bon ? Et Danny Elfman n'a jamais eu d'Oscar. Hein, en fait. Ah bon ? Ouais. Bizarre. Moi, ça me dérange pas. Ça te dérange pas. Ouais, c'est un peu du John Williams de chez Lidl, des fois. Bon, mais après, je n'ai pas tant l'oreille que ça, mais je te fais confiance. Je trouve, mais après, du coup, trois autres, c'est bizarre. Les sons non. Non. Les montages non. Bon, bizarre quand même. Après, c'est pas sur ce film-là. Hein. Oui, c'est des mecs qui ont travaillé général. Sur le film qui ont eu ailleurs des Oscars. Photos. Non. Ah, mais trop horrible. Ah, c'est pas facile. Ah, Jean Reno non. Non. Non. Tiens, heureusement. C'est clair. Non. Mais. Et scénario. Oui. Au scénario. Ah, mince. Tout à fait. Les deux mecs qui ont fait le scénario, donc Steven Zaillian a eu un Oscar pour La Liste de Schindler. Et ah ouais. Quelqu'un qu'on connaît déjà très bien, Robert Towne. de Jour de tonnerre, entre autres, qui avait eu un Oscar sur Chinatown. Ah ouais, bien. Donc, c'est un très bon scénario, je trouve. Et il y a encore une autre personne qu'on a déjà vue dans la carrière de Tom Cruise avant, qui a eu un Oscar et qui a travaillé sur ce film. Alors, est-ce que tu vas le trouver? Pas. Et non, là, c'est un rapport assez intéressant. C'est un rapport avec les gadgets. Avec un gadget en particulier. Oh non. Enfin, une manière de... Maquillage. Le maquillage. Travailler sur Legend. Qui a travaillé sur Legend, c'est... Team... C'est Rob Bottin, ouais, tout à fait. Rob Bottin, le responsable des effets visuels, ouais. Génial. Qui, lui, avait eu un Oscar sur Total Recall. Ouais, c'est trop bien. Voilà. Bon, après, pour ce film-là, pour Mission Impossible, pas d'Oscar, rien, pas de nomination, tout ça. C'est lui qui a fait les masques, du coup, et tout. Ouais, ouais. Donc, tu vois, il y a du monde, du beau linge, qui a travaillé trop et bien. Qui a eu des Oscars, donc, sauf Tom Cruise. Ah ouais, encore une fois. On va parler d'un autre truc important. Il y a les Oscars, c'est important. Ouais. Mais ce qui est important, c'est la caillasse. C'est la caillasse. C'est les sous-sous. Alors, ce film-là, il a eu un budget très réduit. Enfin, très réduit. Non, c'est pas très... c'est pas dire c'est très réduit. Mais en tout cas, contenu. Combien de millions? 80 millions de dollars. C'est très gros. C'est gros. Mais c'était le but de la production. Quand Tom Cruise a dit de faire la production, il a dit « Je veux qu'on fasse un blockbuster avec 80 millions et on va y arriver. » Ah, parce que d'habitude, on ne fait pas des blockbusters avec 80 millions. Si, je pense que tu peux. Mais lui, il a dit « Voilà, on va essayer de faire ça. 80 millions, ça devient un standard du blockbuster. » Ok. Ça a marché. Bah... je crois que tout le monde est d'accord. Oui, ça a marché. Ça a plutôt bien marché. Et ça a marché, d'après toi, comment? Je sais pas. En termes de millions de... Bah, plus que 200 000, mais ça doit être beaucoup plus, non? Et d'après toi, du coup? 200 millions, c'était... 300 millions? 300 millions? Je sais pas. Eh ben non, c'est 468 millions. Oh, putain. C'est énorme. C'est énorme. C'est énormissime. C'est un carton total partout dans le monde. Ça a énormément marché partout. Non, mais c'est délire. En France, je sais plus le nombre d'entrées, mais ça doit être 2 millions. C'est énorme. Les mecs, tu t'imagines les trucs? Et Tom Cruise avait été persuadé que ça allait cartonner. Bah, il sait très bien ce qu'il fait, c'est fou. Et pourquoi est-ce qu'il était persuadé? Il a même fait un truc, c'est que normalement son cachet, ça aurait dû être de 20 millions de dollars. Ce qui est pas mal, parce qu'ils sont plus gros cachets à l'époque. Ouais. Mais bon, c'est lui qui produit, il peut se le permettre. Mais il a dit, je prends pas mon cachet, par contre je prends des intéressements du coup. Ouh, malin. Et du coup, ça fait qu'il rentre 70 millions. Ah ouais. Donc ça c'est énorme, tu vois. C'est énorme. J'avais regardé au début, j'avais trouvé les chiffres. Il y avait le film coûtait 80 millions et le cachet de Tom Cruise c'était 70 millions. C'est bizarre. Je me dis, attends, 10 millions pour faire tout le film, ça va être chaud quand même. Ouais. Et non, en fait, c'est que son cachet normalement c'était 20 millions, mais il l'a transformé en intérêt, donc il est à 70 millions. Voilà. Énorme. Ouais. Alors Tom. Ah ben Tom, donc du coup. Vas-y. Bon, on va faire le petit lien avec la production. Oui, vas-y. Donc, on est en 96 quand le film sort, mais en 95, Tom Cruise, avec Paula Wagner, son agente, monte la société Cruise Wagner Productions. Oh. Donc, c'est leur société de production qui va exister comme ça jusqu'en 2008, jusqu'à ce que Paula Wagner quitte la société de prod et que Tom Cruise remonte que Tom Cruise Productions. Ok. Au début, ils veulent avoir un premier gros coup, en gros, et donc vient l'idée de Mission Impossible, et ils veulent mettre Sidney Pollack sur le coup. Tom Cruise vient de tourner avec lui, avec la firme. Oui. Il se dit, ouais, lui, il sait faire le thriller, il sait faire tout ça. On va partir sur Mission Impossible avec lui. Mais finalement, Sidney Pollack, il veut se faire un autre film. Donc là, il se retourne très rapidement sur Brian De Palma, qui, lui, a besoin d'avoir un gros succès. Pas forcément critique, mais un gros succès pour reprendre un peu les rênes de sa carrière à Hollywood, parce qu'il a eu deux films qu'on ratait avant. Ah, mince. Et il a bien fait, parce que ça l'a aidé. Et en plus... il a envie depuis longtemps de faire un film d'espionnage en Europe. Ah. Du coup, il se dit, Mission Impossible, c'est un truc d'espionnage. Il ne connaissait pas la série, mais il se dit, c'est l'occasion. Du coup, il veut aussi faire un truc style Les 12 salopards, où on ne sait jamais trop qui est qui, qui est des recrutements, etc. Et très rapidement, en fait, il commence à bosser avec... Au début, il y avait un autre scénario avant. Mmh. Mais il se met à rebosser avec Steven Zaillian, donc le mec qui a fait la liste de Schindler, pour écrire le scénario, etc. Ok. Et là, c'est là qu'ils commencent à s'amuser avec les trucs avec la série. Sachant que leur plan à la base, c'était de faire revenir tout le cast de la série dans la première mission et de tous les tuer. Et ensuite, tu passes sur le vrai cast. Ah, les bâtards. Et là, tu dis, bon, ça fait beaucoup. Ça Donc, fait ils beaucoup, ont quand même réussi à créer un scénario où tu te débarrasses de la série et de Jim Phelps, notamment. Ouais. Et tu élabores quand même quelque chose d'autre. Et donc, ils font tout ça et après, avec l'idée que ça voyage dans le monde, etc. Et surtout en Europe. Bah ouais. C'est plutôt malin. Et ils y arrivent plutôt bien. Bien. Au bout d'un moment, Tom Cruise embauche Robert Towne, donc le deuxième scénariste, pour qu'il travaille sur les personnages. Parce qu'il disait, le problème, c'est que là, l'intrigue, ça va, mais les personnages, ils n'existent pas trop. Ce qui est un des trucs qui sera reproché dans les critiques, c'est que le film est bien, mais humainement très plat. Il n'y a pas beaucoup de trucs. Autre détail sur la production, il y a Brian De Palma qui a insisté notamment pour qu'il y ait la scène d'hélico, parce qu'il disait, il faut qu'un blockbuster comme ça, ça se termine avec un bouquet final. Donc une scène, un hélico dans un tunnel avec la poursuite d'un TGV, c'est génial. C'est génial. Donc, effectivement, rien qu'en le disant, tu te dis, mais oui, il faut faire un film. Qui est peut-être pas ma scène préférée finalement d'action du film. Non, c'est pas la meilleure. C'est mais effectivement, c'est vrai qu'à fini, à l'époque, ça a marqué quand même. Oui, oui, bien sûr. C'est vrai que maintenant, ça marque beaucoup moins, mais moi, je sais qu'à l'époque, ça m'avait marqué quand même le truc. Complètement con en plus. Si tu penses deux secondes, c'est impossible qu'un hélico rentre dans un tunnel. Et en plus, normalement, les TGV, ils ont des fils au-dessus. Enfin, bon, bref. Ouais. Ne rentrons pas dans les détails. Non. Même si ce serait très intéressant. Oui. Le TGV, attention, c'est un train français. C'est la crème de la crème. Londres-Paris, quand même. Bref, du coup, sur le truc qui est cool sur la production, c'est qu'en fait, Tom Cruise, il faisait énormément confiance à Brian De Palma. Et Brian De Palma avait un tournage super. Parce qu'en gros, il avait carte blanche. Il pouvait faire exactement comme il voulait. Il réécrivait avec son scénariste. Enfin, Et en gros, dès le début, Tom Cruise a dit « Mais nous, on a un objectif. On fait un blockbuster 80 millions avec la licence Mission Impossible. Je suis sûr que ça marche. Ça va cartonner quoi qu'il arrive. Toute l'équipe, ça va marcher. Donc, on se fait tous confiance et on y va. » Quelle confiance. Donc, apparemment, il y a eu des tensions de temps en temps. Mais toujours, ça a toujours fini par « On trouve la solution et on rebondit. On fait le truc. » Je dis « Bon, bah, ok. Très bien. Donc, tout va bien. Et c'est comme ça que du coup Brian De Palma propose le fait de faire le truc de l'hélico qui est pas de fusillade aussi. Ouais. Que tout ce truc là qui est finalement pas de coup de feu, très peu de coups de feu. Ouais. Parce que je sais plus, c'était qu'il y a Ethan Hunt, il a jamais de flingue en main et il tue jamais personne. Non. Le body count du film, donc le nombre de morts dans le film, il y en a 7 seulement. C'est hyper rare pour un film d'espionnage comme ça. D'accord, ouais, c'est fou. Un film d'un blockbuster d'action, normalement, des body count, il y en a plein. Mais c'est vrai, et en plus, c'est vrai que le personnage principal, qui finalement est Ethan Hunt, il tue personne. Non. Génial. Si tu comptes, en gros, il y a la première équipe qui meurt, et Krieger et Phelps à la fin. Ouais, c'est tout. Il n'y a pas d'autres morts. Non, mais c'est ouf quand même. Ouais. Et ça, c'est un truc, il y aura les body count dans les autres Missions Impossibles vont un peu monter, mais jamais. C'est pas énorme. C'est jamais énorme. Quoi. Bref. Sinon, comme. Une des grosses inspirations du film dans l'écriture, c'était Top Capi. C'était un film de braquage. Ah, je vois pas du tout. Et je l'ai jamais vu, mais du coup, j'ai vachement envie de le voir parce que ça a l'air hyper cool, quoi. Notamment la scène du filin. Quand il descend avec le fil, c'est inspiré de Top Capi. Trop bien. Donc, Brian De Palma, content aussi de mettre ses influences, enfin, tout un tas de trucs. Ça, apparemment, vraiment, c'était peut-être pas la vie de rêve, mais en tout cas, ça s'est plutôt très très bien passé. Ouais. Et allez, deux, trois autres petits trucs sur la production. Donc Emmanuel Béart, c'est De Palma qui la trouve parce qu'il demande à son pote Régis Varnier, qui est réalisateur français, c'est qui la meilleure en Europe en ce moment. Il dit Emmanuel Béart, il dit ouais, ok, c'est bon, ça me va. Il fait une scène avec. Il fait un test avec Tom Cruise. L'alchimie marche super bien. Du coup, c'est là qu'ils écrivent ce que je disais tout à l'heure. Ils commencent à écrire une relation à trois, en fait, entre eux, Phelps, Ethan Hunt. Et elle, qui se sont traînés tout le long du scénario, qu'ils ont tourné, ils ont essayé des trucs, ça a marché, ça marchait pas. Et en fait, ça a été tellement bancal qu'il reste des trucs, mais qu'ils ont jamais abouti, en fait. Ouais, mais je comprends, donc, ça n'a pas trop d'essence. Et ça, c'est vrai que c'est un truc que tu vois, quand tu vois le film, tu te dis, ça marche plus du tout. Donc, c'est un coup de raté. Un peu de raté, ouais. Bon. À la base dans le scénario Max c'était un homme. Tom Cruise a dit ce serait pas mal si on avait Vanessa Redgrave. C'est vrai. Et Brian De Palma dit moi je suis fan. Il demande bim bam boum Vanessa Redgrave. Et là, c'est cool. Ah non mais elle est trop classe. Et après alors deux dernières anecdotes sur la prod. La déco de la salle de la CIA, le mec qui a bossé dessus, très inspiré quand même par 2001 Odyssée de l'espace. Oui, c'est ça, je me disais. C'était un des décorateurs de Star Wars. Ah, donc, génial. Le mec a 2-3 bases pour faire des salles un peu cheloues quand même. C'est vrai qu'elle fait la salle blanche. Ah, bah, c'est grave, ça fait 2001 à fond. Ouais, trop bien. Et ça, c'est pareil, je pense que De Palma, c'est un truc qui a dû lui parler. J'adore. Ouais. Et après, dernier truc important aussi, c'est quand même un des premiers films où Tom Cruise fait énormément de cascades, ce qui a notamment. Un des trucs qui a permis de garder le budget assez tenu, on va dire. Enfin, pas bas, parce que c'est quand même énorme. Ouais. Mais qu'ils n'ont pas dépassé. Parce qu'ils ont fini par rendre le film à temps et avec un budget moindre. Ah ouais. Donc c'est pas mal. Pas mal. Et notamment la scène du restaurant Aquarius, donc où tout explose, où il y a de l'eau qui se déverse, etc. Ils l'ont tourné une première fois avec des cascadeurs. Et De Palma a dit, mais ça ne marche pas, en fait. Il a dit, il faut que ce soit Tom Cruise qui le fasse. Donc il demande à Tom Cruise, il dit, il faut que tu le fasses parce que sinon je vais le filmer, ça n'a jamais marché. Il faut qu'on te voie toi avec l'eau derrière qui arrive, etc. Et il lui dit, c'est mais moi ça. Je peux pas, je suis juste acteur. Et là, on le fait quand même. Et il l'a fait, alors que c'était hyper dangereux en fait, c'était très risqué. Non mais c'est mais comme, méga dangereux. Comme c'est Tom Cruise qui produit, bah oui. C'est lui qui règle ses comptes avec lui-même, donc il va dire bah oui. Prends les risques. Ouais. Du coup il l'a fait, et ça a marché. Et c'est vrai que la scène, elle marche super bien, quoi. Non, mais la scène, elle est incroyable. Ouais. Mais d'ailleurs, moi, du coup, juste après, je me suis dit, mais attends, il a fait quel stunt dans sa vie. Et j'ai regardé les making-of des stunts. Putain, sur les stunts de l'aquarium... Ouais, c'est chaud, quand même. Tu flippes ta race. Parce qu'il a 3 secondes. Et oui. Et c'est tout, quoi. Ah oui, tu peux te rater rapidement. Hein, parce tu peux mourir. Il y a énormément de flotte, en fait. On se rend pas compte. Ça fait... Non, mais... C'est surprenant de dire ça, mais c'est vrai que c'est énormément de flotte et des débris de verre. Enfin, alors, c'est du faux verre, mais enfin, quand même, c'est casse-gueule. T'as des chaises, des machins. T'as des tonnes d'eau et surtout, il doit sortir, enjamber une personne et courir, quoi. Ouais. Ah non, c'est chaud. Ouais, hein. C'est un truc de malade. Ouais. Et c'est là qu'il disait, parce que le gars lui a dit, tu dis 1, 2, 3 et tu vas. Mais ouais. Ça doit être 3 secondes, machin. Il dit ça. Attends, mais c'est 1, 2, 3, go ou 1, 2, go. Et ils ne savaient pas, les gars. Ils disaient, ah, je ne sais pas. Et ça, c'est méga chaud, quoi. Mais du coup, ça a peut-être ça a dû relancer un peu. Enfin, ça a dû garder éveillé son envie de cascade. Parce tout que, à fait. Quand même. Après, on sait qu'est-ce qu'il en deviendra. Mais... Non, mais là, c'est trop beau cette scène. Regardez-la, elle est trop belle. Mais c'est vrai que voilà. Du coup, voilà, en gros, je n'ai pas donné trop mon avis sur Tom Cruise dans le film. Parce que... C'est le Ethan Hunt, c'est ça, c'est un genre de personnage qu'on connaît. Après, il est bon, hein, tu vois. Oui. Mais moi, ce que je trouvais intéressant, c'était le côté le Tom Cruise producteur, en fait, qui a laissé, en fait, qui a décidé, qui depuis le début, il savait, ce type de film-là, ça a marché. On prend Brian De Palma, ça a marché. Enfin, assez sûr de lui, finalement, pour une première production. Avec Paula Wagner, enfin, hein, il bosse à deux, quand même, le truc. Et de se dire, OK, c'est bon, c'est parti, ding, ding, ding, les cascades, OK, le budget, pam, pam. Et ça marche, c'est assez impressionnant. Ça demande, je pense, quand même une bonne connaissance du milieu hollywoodien, de comment ça marche. Grave. C'est assez balèze. Bah après, moi, je me disais, je trouve pas que c'est les rôles d'habitude de Tom Cruise. Tu vois. C'est vrai, il est l'enfant prodige, machin, les pères, il est mort, comme par hasard. Et il est un peu arrogant, mais à peine. Mais en réalité, c'est pas... Si c'était son personnage un peu habituel, il aurait buté je sais pas combien de gens, il aurait été un peu plus dans la force brute, alors que là, il est plus dans la délicatesse. Toi, toute la scène suspendue, il est hyper précis, hyper délicat, il est pas du tout... Oui, il est pas bon du tout, ouais, c'est vrai. Il y a pas, plein de zones où il est pas non plus le gros macho, tu vois. Même sur les trains, je retrouve la scène sur les trains qui est un peu mal vieilli quand même. Oui. Bah, ça, c'est les effets ça spéciaux. Ça se voit, les effets spéciaux c'est un dur. Peu à la con. Mais tu vois la puissance quand même du vent et l'effet qu'il n'arrive pas à se lever debout et à marcher sur les trains comme on faisait un peu dans les films. Là, tu vois vraiment, il essaye de jouer avec les trucs. Ils l'ont c'est fait plus fort que lui. Ils l'ont fait en soufflerie, hein, du coup, oui. Soufflerie industrielle. Quoi. Et ça se voit trop, tu vois. Et je trouve que là, on commence à rentrer un peu dans la phase... De l'acteur qui veut la réalité oui, c'est vrai. Qui joue moins avec les mythes peut-être qui va un peu plus dans la réalité tout en étant quand même le meilleur qui est sur une physicalité enfin qui veut un ressenti physique en fait s'il y a un ressenti physique sur le plateau il sera au niveau du film c'est vrai. Donc il est moins détestable je trouve non mais c'est vrai et puis en plus ça c'est un peu les films de où Tom Cruise court. Les films de fuite en fait parce qu'il y en a beaucoup des films où il court ils sont souvent les plus iconiques en plus c'est ça c'est où il est coursé où il doit récupérer quelque chose enfin il y a un truc en avant quoi une course en avant c'est plus un homme de course qu'un homme de tir oui tout à fait et de défonçade comme je ne sais pas quel autre comme Bruce Willis ou Stallone tu vois. Jean-Claude Van Damme c'est un homme de coup de pied Jean-Claude Van Damme voilà, je crois il est plus ouais, trop cool. Ouais. Tu veux deux, trois autres anecdotes ? Oui. Là, c'est plus trivial. Au tout début, est-ce que tu as reconnu Jack dans l'équipe de Mission Impossible ? Qui c'était ? Le hacker ? Ah si, qui regarde à l'ordi. Oui. Si. C'est Jack. Oui, Jack. Eh bien, Ah, c'est qui, tu veux dire? Et oui, c'est Emilio Estevez, le copain d'enfance de Tom Cruise, avec qui ils ont oui, joué dans Outsiders. Mais oui, c'est vrai, oui. Emilio Estevez. Il a amené le copain. Il s'est dit, tiens, viens, copain. Ouais, oh, choupi. Sympa. Et en plus, il est drôle aussi. Il est oui. un peu drôle. Oui, oui il a deux, trois répliques, mais elles sont très drôles. Ouais, il est très marrant. Je dis, c'est dommage, il aurait été bien. Bon, après, on a Luther. Luther, il est Luther, bien. Luther, vachement mieux. Et Luther, alors en plus, du coup, Vin Rames, il a négocié en fait à ce que son personnage meure pas à la fin. Il a dit ah, s'il vous plaît. Il a bien fait parce que c'est le seul qui est dans toutes les émissions impossibles. Donc, pas tous. Il y en a un où il est pas. Ouais, ça va. Mais attends, non, dans la nouvelle, il y a dans les deux, dans les trois. Il est maintenant. Ouais. Ah ouais. Il est revenu. Bah, il a plus petit rôle, mais il est revenu. Cool. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, deux trucs importants de Tom Cruise. Tu sais, quand il descend en filin, en fait, au tout début, c'était galère parce qu'il a vraiment le fil au niveau des fesses. Ouais, au bassin. Au bassin. Et en fait, du coup, il tombait naturellement toujours avec la tête en avant, puisqu'il est plus lourd devant. C'était pas équilibré. Ouais. Donc, il fallait mettre le truc ailleurs, mais c'était pas esthétique. Enfin, c'était galère. Et du coup, ils ont eu l'idée. Ils se sont dit, on va mettre des pièces, des trucs lourds dans tes chaussures pour équilibrer. Ils ont fait une balance. Non, mais ça devait être... ça devait être trop galère. Là, les abdos, tu dois prendre cher. Hein, parce que... Mais même toute la scène de tête à l'envers, là... ça doit durer des heures et des heures. Il doit faire des pauses, quand même, mais bon. Oui, mais bon, non, c'est mais chaud, c'est... Hein. Ouais. Wow. Et un autre truc qui va vraiment te plaire, là, c'est sûr. C'est une anecdote. Allez, quand je l'ai lu, je me suis dit, elle est faite pour toi. Le tour de magie qu'il fait avec la disquette. Il le fait vraiment. Ouais. Trop fort. C'est vrai, on n'a pas suffisamment parlé du tour de magie. Ouais, il le fait très bien. Ouais, parce qu'ils auraient pu en trichant les ondes de caméra, les machins, mais non, il a voulu le faire. Et je comprends pas où elle va, cette disquette, dans sa manche, mais elle semble trop grande pour sa manche. Bon, ouais. Regardez les tours de magie. On sait pas. Il te le dira jamais, Tom Cruise. Ouais. Il trop bien, il s'est entraîné pour faire les tours de magie dans Mission Impossible, et ça c'est génial. Ouais. Alors qu'il en avait des stunts à devoir préparer. Trop bien, bravo. Bon, après, voilà, il y en a des anecdotes, je pourrais en avoir encore 20 000 parce qu'il y en a des tonnes. Je continue, mais l'ordinateur, c'est quand il va sur internet. Oui. La toute première version, c'était CruiseNet, ça s'appelait. Ils ont été changés dans les DVD, dans les versions DVD par internet. C'était très rigolo. Et il écrivait. Enfin, après, il y a plein de trucs drôles sur ce qu'ils ont écrit, sur les noms des personnages qui sont recrutés au tout début par Jim Phelps. Ils ont des noms de code complètement pourris. Genre, je crois que Tom Cruise, c'est Philippe Douchette. Ça s'invente pas, c'est complètement fou. Quoi. Voilà. Et la knocklist, le principe de la knocklist existe vraiment, en fait. Ah ouais, bah, je des agents qui sont hors. Qui sont officieux, des agents espions officieux. Ça existe, ce genre de pratique. Oui, oui. Et donc, oui. Une liste comme ça, c'est effectivement dévastateur, si ça tombe dans le mauvais sens. Ouh, trop joli. Un autre truc qui pourrait être dévastateur. Ah. Qu'est-ce que ce serait? Ce serait une note? Chris Matter. C'est l'heure du coup. Et oui. Le crousomiteur, là, c'est le moment un peu important. Alors, si rien n'allait pas bien, moi, ça va. Je sais où j'en suis. Mais voilà, là, c'est le crousomètre. Donc, c'est une note de 0 à 100, exprimée en pourcentage. C'est notre ressenti après le visionnage de ce film sur Tom Cruise dans le film, autour du film, l'importance du film, l'héritage de ce film. Oh. Tout un truc un petit peu flou. Mais, mais c'est sûr, c'est énorme. Mais voilà, et là, on en discutait un petit peu, on débattait un petit peu avant. Et on avait deux approches différentes. On se dit, de toute façon, c'est énorme. Moi, j'étais plutôt à me dire, est-ce qu'il y a des films qui peuvent passer au-dessus? Serena n'était pas sûre. Moi, j'ai du mal à trouver de films qui, au niveau de du leur côté mythique, de l'importance, parce que là, il crée sa boîte de prod, il crée sa franchise, il crée son personnage, il se rentre énormément de thunes. Il est connu essentiellement maintenant, il est connu vachement pour ça. C'est le premier film, c'est un modèle de production, mine de rien. C'est un bon film aussi. C'est un bon thriller. Assez iconique, je pense, il a été copier-coller pas mal de fois. Il lance une série qui continue encore et qui marche et qui arrive à se réinventer assez facilement. J'ai du mal à lui donner autre chose. Après, c'est pas forcément le meilleur film. C'est pas forcément le meilleur Mission Impossible. Non. C'est pas le meilleur film de Tom Cruise. Non. Mais est-ce que c'est pas le plus important? La question est posée. Est-ce que c'est pas une malédiction, par contre? De l'autre côté, tu vois. C'est une malédiction et en même temps, c'est si on veut voir loin, c'est-à-dire que là, il se crée son truc. On pourrait dire qu'il s'enferme dans un rôle, sauf qu'il arrive à faire d'autres choses en cours de route. Et surtout qu'au moment où il tombe un peu au niveau d'Hollywood, il commence à tomber en déchéance. Et ben, c'est grâce à cette franchise-là qu'il se relance. Il se relance, parce qu'il a toujours la main dessus. Il est donc, très important. C'est aussi cette franchise-là et ce genre de film qui lui permet de tenir aussi longtemps et d'être aussi puissant à Hollywood. Là, ouais, je négocie un truc, mais c'est pour ça qu'il est la dernière star d'Hollywood, peut-être. C'est ça. Même grâce à ce c'est film. Peut-être grâce à ce film. Pour moi, pour l'instant, c'est ça. Ok. Du coup, je vais pas hésiter trop. Je vais mettre 98%. 18. J'hésite à mettre 99, mais 98 parce que je vois difficilement des choses plus importantes que ça. Ouais, c'est vrai. En plus d'être une bonne performance et tout ça, hein, mais juste que là, ouais. C'est le. Tu vois ce qu'on disait, Top Gun, c'est une grosse note parce que c'est iconique, mais là, c'est au-delà, c'est même plus iconique, c'est trop, quoi. Donc, du coup, moi, je pars sur 98. Waouh. Bah, je pensais quelque chose comme ça, mais peut-être un peu moins, mais maintenant, je me sens coupable. Ah, bah, tu. Non, bah, après. Vas-y, je vais mettre 97. Allez, 97. Juste un tout petit peu. Parce que Emmanuel Béart, c'est vraiment le personnage. Ouais, non, mais vraiment, ça va pas, quoi. Ah, non, mais après, le film, il y a des trucs qui vont pas sur le film, on est d'accord. Ouais, ouais. Après, ouais, sur Tom Cruise et le truc, c'est non, je pense mais que ça va être compliqué. C'est trop important, c'est trop important pour ça. Ça pose tout. C'est la puissance. Dans le bien et dans le mal aussi, hein, parce que effectivement, ce que tu dis, ça l'enferme dans ça, c'est aussi important. Ouais. Mais pas tout de suite. C'est vrai que peut-être il le décide à un moment donné parce qu'il peut pas faire autre chose que ça. Après, c'est toujours pratique de sous le coude ta franchise de Mission Impossible ou quoi que t'arrives, tu sors le film, tu rentres 400 millions, ça te fait toujours bien voir. Non, mais c'est sûr. C'est fou, et en plus, je pense qu'elle lui a sauvé la vie. Les cascades, je pense, lui ont sauvé la vie. De tous les malheurs, je pense que c'est l'adrénaline qui peut avoir en cascade. Ce qu'il arrive à faire là, il le sauve de drogue. C'est dans cette théorie. C'est beau, ça. Bah, je pense que c'est la surpuissance de l'homme ultra riche, mais qui peut faire des trucs des ouf grâce à Mission Impossible. Tu vois. Donc, ouais. Pas... Oui, parce que là, c'est. Je te disais tout à l'heure, ils ont à peine fini le tournage du Mission Impossible 7. Ils enchaînent sur le 8. Déjà, le 8, ouais. Donc, en fait, Tom Cruise, il passe sa vie à faire des cascades. Il part pas en vacances, mais il s'en fout. Parce que s'il partait en vacances, il ferait du sol élastique. Donc, autant qu'il fasse un film sur le sol élastique. Effectivement, c'est peut-être pas mal. Cette théorie est bien, ouais. De se dire, il est ultra clean parce qu'en fait, tout son truc, toute son énergie passe dans le cinéma. Puis plus après, qu'elle a Scientology. Ah, ouais. Bah, qui aussi doit jouer une partie psychologique. Pour lui, mais oui, ça doit être une base dans le. Mais... Je pense que la cascade, il doit avoir un putain de. Ouais. Surpuissance. Ah, et puis après, c'est un ultra professionnel, de toute façon. Ah, bah, clairement, tu vois comment il travaille tous ces trucs, c'est assez fou. Ah, c'est clair. Bon, et je dis bravo. Bravo. Oh, alors, je sais pas combien ça a duré, mais je pense qu'on en parle depuis un certain temps. Ça fait un temps, donc on va se faire des petites recommandations rapidement. Allez. Et puis après, on se dira au revoir, mais vas-y. Tout à fait. Alors, recommandation. Moi, je vous recommande une série qui s'appelle Killing Eve. Je ne sais pas si vous l'avez vue, mais c'est une série qui parle de une sociopathe qui est embauchée par des services secrets russes qui tuent plein de gens, des hommes très importants, et une nana qui est embauchée dans la MI5, et les services secrets anglais. Oui. Et c'est que des meufs. Et c'est une, du coup, qui enquête sur cette sociopathe. Il y a sa chef, c'est une meuf. C'est beaucoup de personnages féminins, mais c'est pas juste, on a écrit des personnages masculins et on a fait des femmes. D'accord. C'est très, très, très, très intelligent. Après, c'est un peu gore, donc attention. Peut-être pour les mineurs de 18 ans, ne regardez pas. Mais c'est trop intéressant de voir comment il y a ces rôles. Et notamment, il y a les rôles de la chef un peu de l'MI5, qui est sa chef à le personnage principal, Eve, qui est un peu cette femme, qui me rappelle beaucoup Max, qui est un peu cette femme très charmante, un peu plus âgée, qui quand même connaît plein de choses, mais il fait des trucs pas que bien, mais un peu mal... Très, très stylé, très classe, très drôle. Voilà. Et j'ai trop kiffé la série. Après, il y a un rapport un peu chelou entre la sociopathe et les détectives. Mais c'est intéressant de voir deux femmes faire ça. Bon, bref. Ça... Killing Eve. Donc. Killing Eve. Très belle série. Trois saisons, écrite par une femme. Bim, bam, boum. Bim, bam, boum. Bah, bravo. Bah, écoute-moi, du MI5 au MI6, je vais faire une non-recommandation. Oh, no. On en discutait avant, j'étais un peu emmerdé. J'avais pas vraiment de recommandation. Enfin, après, j'aurais peut-être pu trouver des trucs d'espionnage, mais en fait, là, je fais une non-recommandation. C'est comme un coup de gueule, finalement. Mais regardez pas. Non, enfin, regardez pas. Faites ce que vous voulez. Mais moi, ça faisait longtemps que j'avais pas été au cinéma. Ah. Et je me suis retrouvé avec la possibilité d'aller au cinéma. Et il y avait plein de trucs au cinéma, bien. J'avais le choix entre le dernier Wes Anderson, il y avait Dune, il y avait Dune. Le Sommet des Dieux, enfin il y avait plein de films. Je me dis, je savais pas trop. Et puis il y avait James Bond. Il y avait No Time to Die. Et je me suis dit, ah merde, putain, James Bond, dès que je, enfin, depuis toi, tout petit, un grand je, vais, fan, je suis un grand fan et depuis tout petit, je vais tout le temps au cinéma les voir. Je dis, bon, bah, j'y vais, tant pis. Je vais au cinéma une fois tous les deux mois et là, voilà. C'est très triste. Hein. Ouais. Ma vie est horrible pour ça. J'aimerais y aller plus. Et du coup, j'y vais. Et là, j'ai vu le film, du coup. Ouais. Et je suis ressorti un peu à me dire, bah, en fait, c'est comme d'hab avec tous les films de Daniel Craig. Il y a eu le premier. Le Casino Royale qui était super, vraiment, ça se réinventait, ouais. C'était nouveau, etc. Et après, tous les autres films avec Daniel Craig, ça n'a jamais marché. Enfin, sur moi, ça n'a jamais marché. Ça s'est aplati. C'est complètement aplati. Ils ont essayé d'inventer des choses, d'inventer un truc qui ne marche pas, je trouve. Oh non. Et tu vois, par rapport à Mission Impossible, l'humilité que garde Mission Impossible à rester sur on fait un film d'espionnage, etc. Les James Bond, ils essayent de faire d'autres trucs et du coup, je crois que ça me correspond plus trop, ça. Oh. Je retrouve plus le côté kitsch, naïf et un peu drôle des James Bond que t'avais avec Sean Connery, avec Roger Moore, tout ça. Ouais. Voire même avec Pierce Brosnan, tu vois. Il n'y a plus trop d'humour, il n'y a pas de trucs kitsch, il manque des choses en fait. Il n'y a plus le côté naïf, ça devient très brutal, c'est très violent. Et du coup, je m'y retrouve moins dans ce genre de film d'espionnage. Ça se prend trop au sérieux, je trouve. Et donc c'est un peu non, parce que ça va repartir, trouver un autre personnage. Allez, une James Bond femme. Bah, ils le feront pas, malheureusement. Non. Je pense qu'ils le feront pas. Bah, James Bond, non. Après, 007, oui, ils peuvent prendre le matricule une femme. Mais James Bond, je pense pas. Malheureusement, je pense pas qu'ils le fassent. Mais faut espérer, peut-être que le prochain James Bond, ils repartent sur quelque chose d'un peu plus naturel et un petit peu plus humble. Arrêtez de se prendre trop au sérieux, c'est James Bond, quoi. C'est de l'espionnage. À deux balles. C'est complètement con. Nous, on veut kiffer, en fait. Ouais. On veut pas que le mec soit torturé de l'espace parce qu'il a un demi-frère, un beau-frère, une mère, un machin. On s'en fout, enfin, c'est James Bond, quoi. C'est bien, j'aime bien ces coups de gueule. Écoutez Paulin. Et qu'à la rigueur, s'il fusille des mecs, que les mecs ils fassent des bons sur les balustrades, tu vois. comme quand il faisait Sean Connery. Là, quand il tue des mecs, il les tue, c'est violent. Tu fais, oh, c'est vraiment gore. C'est vrai. Ouais, c'est nul, quoi. Donc, ouais. Bon, voilà. Donc, c'était un petit coup de gueule sur le. D'accord. Même si, au final, le film est pas si mal. Et c'est pas le pire. Non, mais c'est pas le pire des Daniel Craig, tu vois. Ouais, je comprends. Mais c'est dans la foulée, je me dis, bon. J'aurais mieux fait d'aller voir un autre film. Donc, ouais. Tant pis, je retournerai au cinéma. Heureusement que les cinémas continuent. C'est ça. Cool. Voilà, donc c'était... Un coup de gueule. On va l'écrire, nous, les prochains scénarios de James Bond avec des pirates kitsch. Avec des dinosaures. Ouais, on est des fous. Voilà. Ok. Eh bien, super. On se revoit. Ouais, on se revoit dans deux semaines, du coup. Deux semaines. Enfin, on se réentend. On se réentend parce qu'on ne se revoit pas puisqu'on a un podcast. Ah oui. Enfin, nous, on se voit, mais vous ne vous voyez pas. Vous voyez. Vous entendez. Vous avez compris. Ok, on s'entend. Donc, on se revoit dans deux semaines. on se réentend. On se réentend, mais ce n'est pas facile à dire. On se réentend dans deux semaines. On va parler d'un film tout autre, puisqu'on va parler de Jerry Maguire. rom-com sportive. Ouais. En gros, c'est ça, un peu ? Oui, rom-com sportive, ouais. Ça te parle. Ok. Ouais. D'ici là, vous avez le temps de le voir, du coup, lui, par contre, puisque c'est un film, on peut le voir, le film. Oui. Vous pouvez écouter les autres épisodes de ce podcast qui s'appelle Cruise Control. Yes. Vous pouvez nous retrouver, donc vous allez sur notre site directement, donc cruisecontrol.card.co, card, CA2RD.co. Oui. Vous avez tous les épisodes, vous avez nos liens vers Twitter, Instagram, etc. Vous pouvez nous envoyer des mails, des petits messages, vous mettez des notes super cool sur les applications sur Apple, tout ça. Vous mettez des cœurs, des pouces, des machins, vous mettez ce que vous voulez. Des étoiles. Des étoiles. Ou vous demandez à des gens de le faire pour vous. Super. Qui eux-mêmes demanderont à d'autres gens. Et à la fin, tout le monde met des étoiles, ils ne savent même plus pourquoi. Et nous, on a plein d'étoiles, on ne sait plus quoi en faire. Cool. C'est sympa. Et on est hébergé chez PodCloud, toujours, une association qui héberge des podcasts indépendants. Et puis voilà, je sais pas plus ça veut dire. On va vous laisser avec la musique extraite, pas du film, mais de la bande originale qui a été sortie avec deux membres de U2, j'ai perdu leur nom, qui ont fait un remix du thème de Mission Impossible. Voilà. Et on se dit à dans deux semaines et on vous fait des bisous. Bisous. Et voilà, c'est fini. Merci Lalo Schifrin. On l'a même pas dit, tiens.